seul. Je me renferme en moi. Je me tue quand je m'isole. Souffrir même quand cela va. Ah, on envie le linceul. Je ne freine quand je te vois. Comme un vieil amour d'école. Courir à tout petit pas. Sachant que c'est casse-gueule. Je m'enferme dans tes bras. Et là tout va, tous me veulent. Voir de l'amour c'est tellement rare. Entre les guerres et la haine. Voir de l'amour c'est tellement rare. Entre les pertes et la peine. Bonne compagnie, fou rire qui nous propulsera à toutes nos soirées d'anniv. Mais quand tu crois que tout va, elle, elle est toujours là. Elle, elle en tes pensées, elle, elle rentre en toi. Elle me prend dans ses bras, je ne ressens plus rien d'elle. Je me suis fait avoir.